Je n'aurai qu'une seule chose à vous dire, je n'oublierai jamais son nom. Ce qu'il me reste d'elle aujourd'hui, deux ou trois disques, un vieux blouson. Et elle n'aurait qu'un seul mot à dire, et j'irai fendre l'horizon. Traverser les rivières, les villes, et la chercher dans les saisons. J'ai tellement de choses à lui dire, tellement de temps à retenir. Une parenthèse, un clin d'œil avant de partir. Elle pourrait tout détruire sans bruit et rebâtir un autre monde. Prendre un morceau de l'avenir et le poser sur l'horizon. Se désigner, cela mourir pour que ce monde ait la raison. Non, rien ni personne aujourd'hui ne fait de sa vie une prison. J'ai tellement de choses à lui dire, tellement de temps à retenir. Parenthèse, un clin d'œil avant de partir. Qui saura me dire où elle vit, où je peux trouver sa maison? Sûrement un bout de paradis où les oiseaux chantent pour de bon. Je donnerai tout pour un sourire, même s'il ne dure qu'une seconde. Non, je n'ai rien d'autre à vous dire, je n'oublierai jamais son nom. J'ai tellement de choses à lui dire, tellement de temps à retenir. Une parenthèse, un clin d'œil avant de partir. Même si demain je pars pour mourir, j'aurais tant voulu lui offrir. Parenthèse, un clin d'œil avant de partir. J'ai tellement de choses à lui dire, tellement de temps à retenir. Une parenthèse, un clin d'œil avant de partir.